Rome, chapitre 13. Pierre, lorsqu'il s'éveilla, fut tout surpris d'entendre sonner 11 heures. Dans la fatigue de ce bal, où il était resté si tard, il avait dormi d'un sommeil d'enfant, d'une paix délicieuse, comme s'il avait, en dormant, senti son bonheur. Et dès qu'il eut ouvert les yeux, le radieux soleil qui entrait par les fenêtres le baigna d'espoir. Sa première pensée fut que, le soir, enfin, il verrait le pape à 9 heures. Encore 10 heures! Qu'allait-il faire pendant cette journée bénie, dont le ciel splendide et pur lui semblait d'un si heureux présage? Il se leva, ouvrit les fenêtres, laissa entrer la tiédeur de l'air, qui lui sembla avoir ce goût de fruits et de fleurs, remarqué dès le jour de son arrivée, dont il avait plus tard essayé vainement d'analyser la nature, un goût d'orange et de rose. Était-ce possible qu'on fût en décembre? Quel pays adorable, pour qu'avril parût y refleurir, au seuil même de l'hiver! Puis, sa toilette faite, comme il s'accoudait pour regarder au-delà du Tibre, couleur d'or, les pentes du Janicule, vertes en toute saison, il aperçut Benedetta, assise près de la fontaine, dans le petit jardin abandonné du palais. Et il descendit, ne pouvant tenir en place, cédant à un besoin de vie, de gaieté et de beauté. Tout de suite, Benedetta poussa le cri qu'il attendait d'elle, rayonnante, resplendissante, les deux mains tendues. « Ah, mon cher abbé, que je suis heureuse, que je suis heureuse !» Souvent, ils avaient passé les matinées dans ce coin de calme et d'oubli. Mais quelle matinée triste, quand l'un et l'autre ils étaient sans espérance. Aujourd'hui, l'abandon des allées envahies par les herbes folles, les buis qui avaient poussé dans le vieux bassin comblé, les orangers symétriques qui seuls indiquaient l'ancien dessin des plates-bandes, leur semblait avoir un charme infini, une intimité rêveuse et tendre dans laquelle il était très bon de reposer sa joie. Et surtout, il faisait si tiède à côté du grand laurier, dans l'angle où se trouvait la fontaine. L'eau mince coulait sans fin de l'énorme bouche béante du masque tragique avec sa chanson de flûte. Une fraîcheur montait du grand sarcophage de marbre, dont le bas-relief déroulait une bacchanale frénétique, des faunes emportant, renversant des femmes sous leurs baisers voraces. Et l'on était là, hors des temps et des lieux, au fond d'un passé révolu, si lointain que les alentours disparaissaient. Les constructions récentes des quais, le quartier éventré, gris encore de la poussière des décombres, Rome elle-même bouleversée, en mal d'un monde nouveau. « Ah !» répéta Benedetta, « que je suis heureuse! J'ai tout fait dans ma chambre, j'ai dû descendre ici, tant mon cœur avait besoin de place, d'air et de soleil pour battre à son aise. » Elle était assise près du sarcophage, sur le fragment de colonne renversée qui servait de banc. Et elle voulut que le prêtre vînt se mettre à côté d'elle. Jamais il ne l'avait vue d'une telle beauté, avec ses noirs cheveux encadrant sa face pure, toute rosée et délicate comme une fleur au plein soleil. Ses yeux immenses et sans fond dans la lumière étaient des brasiers où roulait de l'or, tandis que sa bouche d'enfance, sa bouche de candeur et de sage raison, avait un rire de bonne créature, libre enfin d'aimer selon son cœur, sans offenser ni les hommes ni Dieu. Et elle faisait ses projets d'avenir, rêvant tout haut. « Ah, maintenant, c'est bien simple. Puisque j'ai déjà obtenu la séparation de corps, je finirai par obtenir le divorce civil, du moment que l'Église aura annulé mon mariage. Et j'épouserai Dario. Oui, vers le printemps prochain. Peut-être plus tôt, si l'on arrive à hâter les formalités. Ce soir, à 6 heures, il part pour Naples, où il va régler une affaire d'intérêt, une propriété que nous y possédions encore, et qu'il a fallu vendre, car tout cela a coûté très cher. Mais qu'importe à présent, puisque nous voilà l'un à l'autre. Dans quelques jours, dès qu'il sera revenu, que de bonnes heures, comme nous allons rire, comme nous passerons le temps gaiement. Je n'en ai pas dormi, après ce bal qui a été si beau, tant j'ai fait des projets. Ah, des projets magnifiques, vous verrez, car je veux que vous restiez à Rome désormais, jusqu'à notre mariage. Il se mit à rire avec elle, gagné par cette explosion de jeunesse et de bonheur, au point qu'il devait faire un rude effort sur lui-même pour ne pas dire lui aussi sa félicité. L'espoir dont sa prochaine entrevue avec le pape l'emplissait. Mais il avait juré de n'en parler à personne. Dans le silence frissonnant de l'étroit jardin ensoleillé, un cri persistant d'oiseau revenait par intervalles. Et Benedetta, en plaisantant, leva la tête, regarda une cage qui était accrochée à une fenêtre du premier étage. « Oui, oui, tata, crie bien fort, sois contente, il faut que tout le monde soit content dans la maison. » Puis, se retournant vers Pierre, de son air fou d'écolière en vacances, « Vous connaissez bien tata. » « Comment, vous ne connaissez pas tata? Mais c'est la perruche de mon oncle le cardinal. Je la lui ai donnée au dernier printemps. Et il l'adore. Il lui permet de voler les morceaux sur son assiette. C'est lui qui la soigne, qui la sort et qui la rentre, craignant si fort de lui voir prendre un rhume qu'il la laisse dans la salle à manger, la seule pièce de son appartement où il fasse un peu chaud. » Pierre, levant les yeux lui aussi, regardait la perruche, une de ces jolies petites perruches d'un vert cendré, si soyeuse et si souple. Elle se pendait du bec au barreau de sa cage, se balançait, battait des ailes, dans l'allégresse du clair soleil. « Parle-t-elle ? » demanda-t-il. « Ah non, elle crie !» répondit Benedetta en riant. « Mais mon oncle prétend qu'il entend tout ce qu'elle dit et qu'il cause très bien avec elle. » Brusquement, elle sauta à un autre sujet, comme si une obscure liaison d'idées la faisait penser à son autre oncle, à l'oncle par alliance qu'elle avait à Paris. « Vous devez avoir reçu une lettre du vicomte de la Choue. Il m'a écrit hier son chagrin de voir que vous n'arriviez pas à être reçu par sa sainteté. Il avait tant compté sur vous, sur votre victoire pour le triomphe de ses idées. » En effet, Pierre recevait fréquemment des lettres du vicomte, où celui-ci se désespérait de l'importance prise par son adversaire, le baron de Fouras, depuis le grand succès de sa dernière campagne à Rome, avec le pèlerinage international du denier de Saint-Pierre. C'était le réveil du vieux parti catholique intransigeant, toutes les conquêtes libérales du néo-catholicisme menacées, si l'on n'obtenait pas du Saint-Père une adhésion formelle aux fameuses corporations obligatoires, pour battre en brèche les corporations libres soutenues par les conservateurs. Et il accablait Pierre, lui envoyait des plans compliqués, dans son impatience de le voir reçu enfin au Vatican. « Oui, oui, » murmura celui-ci, « j'avais eu déjà une lettre dimanche, et j'en ai encore trouvé une hier soir en revenant de Frascati. Ah, je serais si heureux de pouvoir lui répondre par la bonne nouvelle. » De nouveau, sa joie déborda à la pensée que le soir il verrait le pape, lui ouvrirait son âme brûlante d'amour, recevrait de lui l'encouragement suprême, raffermi dans sa mission du salut social, au nom fraternel des petits et des pauvres. Et il ne put se contenir davantage. il lâcha son secret qui lui gonflait le cœur. « Vous savez, c'est fait, mon audience est pour ce soir. » Benedetta ne comprit pas d'abord. « Comment ça ?»« Oui, Monsignor Nanni a bien voulu m'apprendre ce matin à ce bal que le Saint-Père auquel il avait remis mon livre désirait me voir, et je serai reçue ce soir à 9 heures. » Elle était devenue toute rouge, tellement elle faisait sienne la joie du jeune prêtre, qu'elle avait fini par aimer d'une ardente amitié. Et ce succès d'un ami, tombant dans sa félicité à elle, prenait une importance extraordinaire, comme une certitude de complète réussite pour tout le monde. Elle eut un cri de superstitieuse exaltée et ravie. Ah, mon Dieu, ça va nous porter chance. Ah, que je suis heureuse, mon ami, que je suis heureuse de voir que le bonheur vous arrive en même temps qu'à moi. C'est encore pour moi du bonheur, un bonheur que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est sûr maintenant que tout marchera très bien, car une maison où il y a quelqu'un qui voit le pape est bénie, la foudre ne la frappe plus. Elle riait plus haut, elle tapait des mains, si éclatante de gaieté qu'il s'inquiéta. Chut, chut, on m'a demandé le secret. Je vous en supplie, pas un mot à personne, ni à votre tante, ni même à son éminence. Monsignor et Nanni seraient très contrariés. Alors, elle promit de se taire. Elle s'attendrissait, parlait de Monsignor et Nanni comme d'un bienfaiteur. Car n'était-ce pas à lui qu'elle devait d'être parvenue enfin à faire annuler son mariage? Puis, reprise d'une bouffée de folle joie, « Dites donc, mon ami, n'est-ce pas que le bonheur seul est bon? Vous ne me demandez pas des larmes aujourd'hui, même pour les pauvres qui souffrent, qui ont froid et qui ont faim. Ah, c'est qu'il n'y a vraiment que le bonheur de vivre, ça guérit tout. On ne souffre pas, on n'a pas froid, on n'a pas faim quand on est heureux. » Stupéfait, il la regarda, dans la surprise que lui causait cette singulière solution, donnée à la question redoutable de la misère. Soudainement, il sentait que toute sa tentative d'apostolat était vaine sur cette fille d'un beau ciel, ayant en elle l'atavisme de tant de siècles de souveraine aristocratie. Il avait voulu la catéchiser, la mener à l'amour chrétien des humbles et des misérables, la conquérir à la nouvelle Italie qu'il rêvait, éveillée au temps nouveau, pleine de pitié pour les choses et pour les êtres. Et si elle s'était attendrie avec lui sur les souffrances du bas peuple, aux heures où elle souffrait elle-même, le cœur saignant des plus cruelles blessures, la voilà qui, dès sa guérison, célébrait l'universelle félicité, en créature des brûlants étés et des hivers doux comme des printemps. « Mais, dit-il, tout le monde n'est pas heureux. « Oh si, oh si !» cria-t-elle. « C'est que vous ne les connaissez pas, les pauvres. » Qu'on donne à une fille de notre Transtévère le garçon qu'elle aime, et elle est aussi radieuse qu'une reine. Elle mange son pain sec le soir en lui trouvant le goût sucré le plus délicieux. Les mères qui sauvent un enfant d'une maladie, les hommes qui sont vainqueurs dans une bataille, ou bien qui voient leur numéro sortir à la loterie. Tout le monde est comme ça. Tout le monde ne demande que de la chance et du plaisir. Allez, vous aurez beau vouloir être juste et tâcher de mieux répartir la fortune, il n'y aura toujours de satisfaits que ceux dont le cœur chantera, souvent même sans en savoir la cause, par un beau jour de soleil comme aujourd'hui. » Il eut un geste d'abandon, ne voulant pas l'attrister, en plaidant de nouveau la cause de tant de pauvres êtres qui, à cette minute même, agonisaient au loin, quelque part, succombant à la douleur physique ou à la douleur morale. Mais, brusquement, dans l'air si lumineux et si doux, une ombre immense passa. Il sentit la tristesse infinie de la joie, la désespérance sans borne du soleil, comme si quelqu'un qu'on ne voyait pas avait laissé tomber cette ombre. Était-ce donc l'odeur trop forte du laurier, la senteur amère des orangers et des buis qui lui donnait ce vertige? Était-ce le frisson de sensuelle tiédeur dont ses veines se mettaient à battre parmi ces ruines, dans ce coin de passion très ancienne? Ou plutôt, n'était-ce que ce sarcophage avec son enragé bacchanal qui éveillait l'idée de la mort prochaine, au fond même des obscures voluptés de l'amour, sous le baiser inassouvi des amants? Un instant, la claire chanson de la fontaine lui parut un long sanglot, et il lui sembla que tout s'anéantissait dans cette ombre formidable venue de l'invisible. Déjà, Benedetta lui avait pris les deux mains et le réveillait à l'enchantement d'être là, près d'elle. L'élève est bien indocile, n'est-ce pas, mon ami? Et elle a le crâne bien dur. Que voulez-vous? Il y a des idées qui n'entrent pas dans notre tête. Non, jamais, vous ne ferez entrer ces choses dans la tête d'une fille de Rome. Aimez-nous donc, contentez-vous donc de nous aimer tels que nous sommes, belles de toute notre force, autant que nous pouvons l'être. Et elle était si belle à cette minute, si belle dans le resplendissement de son bonheur, qu'il en tremblait, comme devant un dieu, devant la toute-puissance qui menait le monde. « Oui, oui, bégaya-t-il, la beauté souveraine encore, souveraine toujours. Ah, que ne peut-elle suffire à rassasier l'éternelle faim des pauvres hommes ?» « Bah, bah » cria-t-elle joyeusement. « Il fait bon vivre. Montons dîner. Ma tante doit nous attendre. » Le dîner avait lieu à une heure, et les rares fois où Pierre ne mangeait pas dehors, il avait son couvert mis à la table de ces dames, dans la petite salle à manger du second qui donnait sur la cour, d'une tristesse mortelle. À la même heure, au premier étage, dans la salle ensoleillée dont les fenêtres ouvraient sur le Tibre, le cardinal dînait, lui aussi, très heureux d'avoir pour convive son neveu Dario, car son secrétaire, Don Vigilio, son autre convive habituel, ne desserrait les dents que lorsqu'on l'interrogeait. Les deux services étaient absolument distincts, ni la même cuisine, ni le même personnel. Et il n'existait guère de commune en bas qu'une grande pièce servant d'office. Mais la salle à manger du second avait beau être morne, attristée par le demi-jour verdâtre de la cour, le déjeuner de ces dames et du jeune prêtre fut très gai. Donna Séraphine, si rigide d'ordinaire, semblait elle-même détendue par une grande félicité intérieure. Sans doute, elle n'avait pas encore épuisé les délices de son triomphe de la veille au bras de Morano à ce bal. Et ce fut elle qui parla de la soirée la première, pleine d'éloges, bien que la présence du roi et de la reine l'eût beaucoup gênée, disait-elle. Elle raconta comme quoi, par une tactique savante, elle avait évité de se faire présenter. D'ailleurs, elle espérait que son affection bien connue pour Celia, dont elle était la marraine, suffirait à expliquer sa présence dans ce salon neutre où tous les pouvoirs s'étaient coudoyés. Elle devait pourtant garder un scrupule, car elle annonça que, tout de suite après le déjeuner, elle comptait sortir pour se rendre au Vatican chez le cardinal secrétaire, à qui elle désirait parler d'une œuvre dont elle était dame patronesse. Cette visite de compensation, le lendemain de la soirée des Buon Giovanni, devait lui sembler indispensable. Jamais elle n'avait brûlé de plus de zèle, ni de plus d'espoir, à propos du prochain avènement de son frère, le cardinal, au trône de Saint-Pierre. C'était, pour elle, un suprême triomphe, une exaltation de sa race que son orgueil du nom jugeait nécessaire et inévitable. Et, pendant la dernière indisposition du pape régnant, Elle avait poussé les choses jusqu'à s'inquiéter du trousseau qu'elle voulait faire marquer aux armes du nouveau pontife. Benedetta ne cessa de plaisanter, riant de tout, parlant de Celia et d'Attilio avec la tendresse passionnée d'une femme dont le bonheur d'amour se plaît au bonheur d'un couple ami. Puis, comme on venait de servir le dessert, elle s'adressa au valet d'un air de surprise. « Eh bien, Giacomo, et les figues ?» Celui-ci, avec ses gestes lents, comme endormi, la regarda sans comprendre. Heureusement, Victorine traversait la pièce. « Et les figues, Victorine, pourquoi ne nous les sert-on pas ?»« Quelles figues, donc, Contessina ?»« Mais les figues que j'ai vues ce matin à l'office, par où j'ai eu la curiosité de passer en allant au jardin. Des figues superbes dans un petit panier. Même, je me suis étonnée qu'il pût encore y en avoir en cette saison. » Je les aime bien, moi. Je m'étais régalée à l'avance en songeant que j'en mangerais au dîner. Victorine se mit à rire. « Contessina, je sais, je sais. Ce sont les figues que ce prêtre de Frascati, vous vous rappelez, le curé de là-bas, est venu hier soir déposer en personne pour son éminence. J'étais là. Il a répété à 3 reprises que c'était un cadeau, qu'il fallait le mettre sur la table de son éminence sans même déranger une feuille. Alors, on a fait comme il a dit. « Eh bien, c'est gentil !» s'écria Benedetta avec une colère comique. « En voilà des gourmands qui se régalent sans nous. Il me semble qu'on aurait pu partager. » Donna Serafina intervint en demandant à Victorine « N'est-ce pas ?» Vous parlez du curé qui venait autrefois nous voir à la villa. Oui, oui, le curé Santobono, celui qui dessert là-bas la petite église Sainte-Marie-des-Champs. Quand il vient, il fait toujours demander l'abbé Paparelli, dont il a été le camarade au séminaire, je crois. Et hier soir encore, c'est l'abbé Paparelli qui a dû nous l'amener à l'office avec son panier. Oh, ce panier! Imaginez-vous que, malgré les recommandations, on avait oublié de le mettre tout à l'heure sur la table de son éminence, de sorte que les figues n'auraient ce matin été pour personne si l'abbé Paparelli n'était descendu les prendre en courant et ne les avait montées lui-même, avec une vraie dévotion, comme s'il portait le Saint-Sacrement. Il est vrai que son éminence les trouve si bonnes. « Ce n'est pas ce matin que mon frère leur fera grande fête, » conclut la princesse, « car il a un peu de dérangement, il a passé une nuit mauvaise. » Au nom répété de Paparelli, elle était devenue soucieuse. Le caudataire, avec sa face molle et ridée, sa taille grosse et courte de vieille fille dévote en jupe noire, lui déplaisait, depuis qu'elle s'était aperçue de l'extraordinaire empire qu'il prenait sur le cardinal, du fond de son humilité et de son effacement. Il n'était rien qu'un domestique, en apparence le plus chétif, et il gouvernait. Elle le sentait combattre sa propre influence, défaire souvent ce qu'elle avait fait pour le triomphe des ambitions de son frère. Le pis était que 2 fois déjà, elle le soupçonnait d'avoir poussé celui-ci à des actes qu'elle considérait comme de véritables fautes. Peut-être s'était-elle trompée. Elle lui rendait cette justice qu'il avait de rares mérites et une piété tout à fait exemplaire. Cependant, Benedetta continuait à rire et à plaisanter. Et comme Victorine était sortie de la salle, elle appela le valet. « Écoutez, Giacomo, vous allez me faire une petite commission. » Elle s'interrompit pour dire à sa tante et à Pierre, « Je vous en prie, faisons valoir nos droits. Moi, je les vois à table, en bas, presque en dessous de nous. Ils doivent, comme nous, en être au dessert. Mon oncle soulève les feuilles, se sert avec un bon sourire, passe le panier à Dario, qui le passe à Don Virgilio. Et tous les 3, ils mangent avec compunction. Les voyez-vous ? Les voyez-vous ? Elle les voyait, elle. Et c'était son besoin d'être près de Dario, sa continuelle pensée volant vers lui, qui l'évoquait ainsi avec les deux autres. Son cœur était en bas. Elle voyait, elle entendait, elle sentait, par tous les sens exquis de son amour. « Giacomo, vous allez descendre, vous allez dire à son éminence que nous mourrons d'envie de goûter à ses figues, et qu'elle serait bien aimable en nous envoyant celles dont elle ne voudra pas. » Mais Donna Serafina, de nouveau, intervint, retrouvant sa voix sévère. « Giacomo, je vous prie de ne pas bouger. » Et elle s'adressa à sa nièce. « Allons, assez d'enfantillage. J'ai horreur de ces sortes de gamineries. » « Oh, ma tante !» murmura Benedetta. « Je suis si heureuse. Il y a si longtemps que je n'ai ri de si bon cœur. » Pierre, jusque-là, s'était contenté d'écouter, s'égayant simplement lui-même de la voir gaie à ce point. Comme il se produisait un petit froid, il parla alors, dit son propre étonnement d'avoir aperçu la veille, si tard en saison, des fruits sur ce fameux figuier de Frascati. Cela tenait sans doute à l'exposition de l'arbre, au grand mur qui le protégeait. « Ah, vous avez vu le fameux figuier ?» demanda Benedetta. « Mais oui, j'ai même voyagé avec les figues qui vous ont fait tant d'envie. »« Comment cela, voyager avec les figues ?» Déjà, il regrettait la parole qui venait de lui échapper. Puis, il préféra tout dire. « J'ai rencontré là-bas quelqu'un qui était venu en voiture et qui a voulu absolument me ramener à Rome. » En route, nous avons recueilli le curé Santobono, parti à pied pour faire le chemin, très gaillardement, avec son panier. Et même, nous nous sommes arrêtés un instant dans une osteria. Il continua, conta le voyage, dit ses impressions vives, au travers de la campagne romaine, envahie par le crépuscule. Mais Benedetta le regardait fixement, prévenu, renseigné, n'ignorant pas les fréquentes visites que Prada faisait là-bas, à ses terrains et à ses constructions. « Quelqu'un, murmura-t-elle. « Le comte, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, le comte, » répondit simplement Pierre. « Je l'ai revu cette nuit. Il était bouleversé et il faut le plaindre. » Les deux femmes ne se blessèrent pas. Tellement cette parole charitable du jeune prêtre était dite avec une émotion profonde et naturelle, dans le débordement d'amour qu'il aurait voulu épandre sur les êtres et sur les choses. Donna Serafina resta immobile, comme si elle affectait de n'avoir pas même entendu. Tandis que Benedetta, d'un geste, sembla dire qu'elle n'avait à témoigner ni pitié ni haine pour un homme qui lui était devenu complètement étranger. Cependant, elle ne riait plus. Elle finit par dire, en songeant au petit panier qui s'était promené dans la voiture de Prada, « Oh, ces figues, tenez, je n'en ai plus envie du tout. Je préfère maintenant ne pas en avoir mangé. » Tout de suite après le café, Donna Serafina les quitta, dans la hâte qu'elle avait de mettre un chapeau et de partir pour le Vatican. Restés seuls, Benedetta et Pierre s'attardèrent à table un instant encore, repris de leur gaieté, causant en bons amis. Le prêtre reparla de son audience du soir, de sa fièvre d'impatience heureuse. À peine 2 heures, encore 7 heures à attendre. Qu'allait-il faire? À quoi allait-il employer cet après-midi interminable? Alors, elle, très gentiment, eut une idée. « Vous ne savez pas? Eh bien, puisque nous sommes tous si contents, il ne faut pas nous quitter. » Dario a sa voiture. Il doit, comme nous, avoir fini de déjeuner. Et je vais lui faire dire de monter nous prendre, de nous emmener pour une grande promenade, le long du Tibre, très loin. Elle tapait dans ses mains, ravie de ce beau projet. Mais, juste à ce moment, Don Vigilio parut, l'air effaré. « Est-ce que la princesse n'est pas là ?»« Non, ma tante est sortie. » »« Qu'y a-t-il donc ? C'est son éminence qui m'envoie. Le prince vient de se sentir indisposé en se levant de table. Oh, rien de bien grave, sans doute. » Elle eut un cri, plutôt de surprise que d'inquiétude. « Comment, Dario ? Mais nous allons tous descendre. Venez donc, monsieur l'abbé. Il ne faut pas qu'il soit malade pour nous emmener en voiture. » Puis, dans l'escalier, comme elle rencontrait Victorine, elle la fit descendre aussi. « Dario se trouve indisposé. On peut avoir besoin de toi. » Tous quatre entrèrent dans la chambre, vaste et surannée, meublée simplement, où le jeune prince venait déjà de passer un long mois, cloué là par sa blessure à l'épaule. On y arrivait en traversant un petit salon et, partant du cabinet de toilette voisin, un couloir reliait ses pièces à l'appartement intime du cardinal. La salle à manger, la chambre à coucher, le cabinet de travail, relativement étroit, qu'on avait taillé dans une des immenses salles de jadis à l'aide de cloisons. Il y avait encore la chapelle, dont la porte ouvrait sur le couloir. Une simple chambre nue, où se trouvait un autel de bois peint, sans un tapis, sans une chaise, rien que le carreau dur et froid pour s'agenouiller et prier. En entrant, Benedetta courut au lit sur lequel Dario était allongé, tout vêtu. Près de lui, le cardinal Boccanera se tenait debout, paternellement. Et, dans l'inquiétude commençante, il gardait sa haute taille fière, son calme d'âme souveraine et sans reproche. « Quoi donc, mon Dario, que t'arrive-t-il ? » Mais le prince eut un sourire, voulant la rassurer. Il n'était encore que très pâle, l'air ivre. « Oh, ce n'est rien, un étourdissement. Imagine-toi, c'est comme si j'avais bu. Tout d'un coup, j'ai vu trouble, et il m'a semblé que j'allais tomber. Alors, je n'ai eu que le temps de venir me jeter sur mon lit. » Il respira fortement, en homme qui a besoin de reprendre haleine. Et le cardinal, à son tour, entra dans quelques détails. Nous achevions tranquillement de déjeuner. Je donnais des ordres à Don Vigilio pour l'après-midi et j'étais sur le point de quitter la table lorsque j'ai vu Dario se lever et chanceler. Il n'a pas voulu se rasseoir. Il est venu ici d'un pas vacillant de somnambule en ouvrant les portes de ses mains tâtonnantes. Et nous l'avons suivi sans comprendre. J'avoue que je cherche, que je ne comprends pas encore. » D'un geste, il disait sa surprise. Il indiquait l'appartement où semblait avoir soufflé un brusque vent de catastrophe. Toutes les portes étaient restées grandes ouvertes. On voyait en enfilade le cabinet de toilette, puis le couloir, au bout duquel la salle à manger apparaissait dans son désordre de pièces abandonnées soudainement, avec la table servie encore, les serviettes jetées, les chaises repoussées. Cependant, on ne s'effarait toujours pas. Benedetta fit à voix haute la réflexion habituelle en pareil cas. « Pourvu que vous n'ayez rien mangé de mauvais !» D'un autre geste, en souriant, le cardinal dit la sobriété ordinaire de sa table. « Oh, des œufs, des côtelettes d'agneau, un plat d'oseille, ce n'est pas ce qui a pu lui charger l'estomac. Moi, je ne bois que de l'eau pure. » Lui prend deux doigts de vin blanc. Non, non, la nourriture n'y est pour rien. Et puis, se permit de faire remarquer Don Vigilio, son éminence et moi, nous serions également indisposés. Dario, qui avait un moment fermé les yeux, les rouvrit, respira de nouveau fortement en s'efforçant de rire. Allons, allons, ce ne sera rien. Je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Il faut que je me remue. Alors, reprit Benedetta, écoute le projet que j'ai fait. Tu vas me prendre en voiture avec monsieur l'abbé Froment et tu nous conduiras dans la campagne, très loin. Volontiers. Elle est gentille, ton idée. Victorine, aidez-moi donc. Il s'était soulevé en s'aidant péniblement du poignet. Mais, avant que la servante se fût avancée, il eut une légère convulsion. Il retomba, comme foudroyé par une syncope. Ce fut le cardinal, resté au bord du lit, qui le reçut dans ses bras, tandis que la contessina, cette fois, perdait la tête. « mon Dieu, ça le reprend! Vite, vite, il faut le médecin !»« Si j'allais en courant le chercher !» offrit Pierre, que la scène commençait à bouleverser lui aussi. « Non, non, pas vous, restez ici. Victorine va se dépêcher, elle connaît l'adresse. Le docteur Giordano, tu sais, Victorine !» La servante partit, et un lourd silence tomba dans la pièce, où un frisson d'anxiété croissait de minute en minute. Benedetta, très pâle, était revenue près du lit, pendant que le cardinal, qui avait gardé Dario entre ses bras, la tête tombée sur son épaule, le regardait. Et un affreux soupçon venait de naître en lui, vague, indéterminé encore. Il lui trouvait la face grise, le masque d'angoisse terrifié, qu'il avait remarqué chez le plus cher ami de son cœur, Monsignore Gallo, quand il l'avait ainsi tenu sur sa poitrine, 2 heures avant sa mort. C'était la même syncope, la même sensation qu'il n'étreignait plus que le corps froid d'un être aimé, dont le cœur s'arrêtait. C'était surtout la pensée grandissante du poison, venue de l'ombre, frappant dans l'ombre, autour de lui, en coup de foudre. Longtemps, il resta penché de la sorte, au-dessus du visage de son neveu, du dernier de sa race, cherchant, étudiant, retrouvant les symptômes du mal mystérieux et implacable qui lui avait déjà emporté la moitié de lui-même. Mais Benedetta, à demi-voix, le suppliait. « Mon oncle, vous allez vous fatiguer. Je vous en prie, laissez-le-moi. Je le tiendrai un peu à mon tour. N'ayez pas peur, je le tiendrai très doucement. Il sentira que c'est moi, et ça le réveillera peut-être. » Il leva enfin la tête, la regarda, et il lui céda la place, après l'avoir serrée et baisée éperdument, les yeux gros de larmes, toute une brusque émotion, où l'adoration qu'il avait pour elle fondait la rigide froideur qu'il affectait d'habitude. Oh, « ma pauvre enfant! Ma pauvre enfant !» bégaya-t-il avec un grand tremblement de chaîne déracinée. Tout de suite, d'ailleurs, il se maîtrisa, se reconquit. Et tandis que Pierre et Don Vigilio, immobiles, muets, attendaient qu'on eût besoin d'eux, désespérés de n'être bons à rien, il se mit à marcher avec lenteur au travers de la chambre. Puis, cette pièce parut être trop étroite pour les pensées qu'il roulait. Il s'écarta d'abord jusque dans le cabinet de toilette. Il finit par enfiler le couloir, par pousser jusqu'à la salle à manger. Et il allait toujours, et il revenait toujours, sérieux, impassible, la tête basse, perdu dans la même rêverie sombre. Quel monde de réflexions s'agitait dans le crâne de ce croyant, de ce prince hautain qui s'était donné à Dieu et qui était sans pouvoir contre l'inévitable destinée. De temps à autre, il revenait près du lit, s'assurait des progrès du mal, regardait sur le visage de Dario où en était la crise. Ensuite, il repartait du même pas rythmique, disparaissait, reparaissait, comme emporté par la régularité monotone des forces que l'homme n'arrête point. Peut-être se trompait-il, peut-être ne s'agissait-il que d'une simple indisposition dont le médecin sourirait. Il fallait espérer et attendre. Et il allait encore, et il revenait encore. Et rien, au milieu du silence lourd, ne pouvait sonner plus anxieusement que les pas cadencés de ce haut vieillard dans l'attente du destin. La porte se rouvrit, Victorine rentra essoufflée. « Le médecin, je l'ai trouvé, le voici !» De son air souriant, le docteur Giordano se présenta, avec sa petite tête rose à boucles blanches, toute sa personne discrètement paterne, qui lui donnait une allure d'aimable prélat. Mais, dès qu'il eut flairé la chambre, vu ce monde angoissé qui l'attendait, il devint aussitôt très grave. Il prit l'attitude fermée, l'absolu respect du secret ecclésiastique qu'il devait à la fréquentation de sa clientèle d'église. Et il ne laissa échapper qu'un mot, murmuré à peine, dès qu'il eut jeté un regard sur le malade. « Comment encore? Ça recommence ?» Sans doute, il faisait allusion au coup de couteau qu'il avait récemment soigné. Qui donc s'acharnait sur ce pauvre jeune prince, si inoffensif, si peu gênant? Personne du reste ne pouvait comprendre si ce n'était Pierre et Benedetta. Et celle-ci se trouvait dans une telle fièvre d'impatience, brûlant d'être rassurée, qu'elle n'écoutait pas, n'entendait pas. « Oh, docteur, je vous en supplie, voyez-le, examinez-le. Dites-nous que ce n'est rien. Ça ne peut rien être, puisqu'il était si bien portant, si gai tout à l'heure. Ce n'est rien, n'est-ce pas ?»« sans doute, contessina, ce n'est certainement rien. Nous allons voir. » Il s'était tourné. Et il s'inclina profondément devant le cardinal qui revenait du fond de la salle à manger, de son pas égal et songeur, pour se planter au pied du lit, immobile. Sans doute l'eut-il, dans les yeux sombres fixés sur les siens, une inquiétude mortelle, car il n'ajouta rien. Il se mit à examiner Dario, en homme qui a senti le prix des minutes. Et à mesure que son examen avançait, son visage d'affable optimisme prenait une gravité blême, une sourde terreur que témoignait seul un petit frémissement des lèvres. C'était lui qui, précisément, avait assisté Monsignore Gallo dans la crise dont celui-ci était mort, une crise de fièvre infectieuse ainsi qu'il l'avait diagnostiqué pour le bulletin de décès. Sans doute, lui aussi reconnaissait les mêmes terribles symptômes, la face d'un gris de plomb, les bêtements d'affreuse ivresse. Et en vieux médecin romain, habitué aux morts subites, il sentait passer le mauvais air qui tue, sans que la science ait encore bien compris, exhalaison putride du Tibre, ou séculaire poison de la légende. Mais il avait relevé la tête, et son regard de nouveau se rencontra avec le regard noir du cardinal, qui ne le quittait pas. « Monsieur Giordano, demanda enfin celui-ci, vous n'êtes pas trop inquiet, j'espère. Ce n'est qu'une mauvaise digestion, n'est-ce pas ?» Le médecin s'inclina une seconde fois. Il devinait, au léger tremblement de la voix, la cruelle anxiété de cet homme puissant, frappé encore dans la plus chère affection de son cœur. « Votre éminence doit avoir raison, une digestion mauvaise, certainement. Parfois, de tels accidents sont dangereux quand la fièvre s'en mêle. Je n'ai pas besoin de dire à votre éminence combien elle peut compter sur ma prudence et sur mon zèle. » Il s'interrompit, pour reprendre aussitôt de sa voix nette de praticien. « Le temps presse, il faut déshabiller le prince et agir promptement. Qu'on me laisse un instant seul, j'aime mieux cela. » Cependant, il retint Victorine en disant qu'elle l'aiderait. S'il avait besoin d'un autre aide, il prendrait Giacomo. Son désir évident était d'éloigner la famille afin d'être plus libre sans témoin gênant. Et le cardinal comprit, s'empara doucement de Benedetta pour l'emmener lui-même à son bras jusque dans la salle à manger, où Pierre et Don Vigilio les suivirent.